à chaque pas dans le bâtiment, l'agence me considère déjà comme un relapse. Continue d'ouvrir ton cas vu pour des hommes d'affaires, bi tu vas finir avec un prolapse. Annule tous tes plans si la tempête elle frappe, gros là-bas c'est un trap. Mais pour nous ce que dégoûte, une copie, tu fais ta promo sur TikTok. En gros t'es fan mais tu comprends pas ce que t'écoutes. Tout l'attirail t'inquiète pas bébé, j'ai on veut le dernier étage, j'ai planté le PDG. C'était 121, on s'est branché là-bas pendant que Néo ta fille sur le grand chez ma biche. Elle veut sauter pour nous mais c'est même pas ma biche. On baisse les prédateurs, on dévore pas la biche. Intérimaire, on sait tout faire, enterrer mère. SFN périmère, on va t'enterrer mère. Crache à la gueule du CEO. Je fais le gaillard, il dépasse pas les souhaits. Il a rien dépassé. En cas de mesure, Bissal a déjà perdu. Lost. Sœur FEM, tu retraces pas la perte. La seule Joker et Queen libérée de l'asylum. Poussière de silicium dans le bibi des mômes. Nasty comme si je sortais des chemicals. Double life, je la vis depuis mes 9. Danse pas dans le batch à Basie. Fat pig, étale ses billets partout. Comme Aman, il achète tous les mômes de la ville. J'ai pas raté un seul de ces Didi moves. Mes petits oiseaux me rapportent tout ce que vous faites. À vouloir voler trop, vous avez brûlé vos ailes. Tout le monde sait que tu gambles avec les talles de Luther. Mon associé, il allume Machiavel deux fois, il croit c'est un tueur. À 14 ans, avec sœur, on se faisait groomer. Est-ce que tu comprends que tu peux pas nous parler comme tu parlais à tes petits? Et l'autre tas de merde sous zip, il lâche des infos comme un cave pour se faire mousser sa mini bite. Je l'ai fait parler dans le vide, ça l'a rendu tout vert. Ça m'a shooté 50, j'étais à découvert. Pour m'impressionner, il a appelé un vieux père, directeur de je sais pas, va niquer ta mère. Dans le bureau, j'ai vu un maléfice sur le mur, le disque d'or de 47 terres. Relâche des intels, je vais venir baiser ta glotte. Ils m'ont cassé les couilles, bientôt mental de noise. Bâtard, je priais ma mort en marchant sous la flotte. J'avais même pas une ceinture qui tenait mon froc. La guala, la guala, la guala, la guala. Pour elle, j'aurais tué, pour elle, j'aurais fait. Pour elle, j'ai vendu mon corps, oui, dans les faits. Aujourd'hui, je fais 100 fois la somme quand je prends les fels. Après le projet d'SFN, mort cérébral. Mon 4K est un fixe à l'heure des céréales. Un poil dans ma musique, un poil sur tous les tracks. Ça regarde mon trou de balle avec beaucoup d'envie. Pour eux, j'ai pas grand chose à part 7 inches et demi. Non circoncis, c'est la taille de ma bite. Si tu sais où j'habite, bah je sais où t'habites. Pour toi, y'a la chimie ou les fers d'Amérique. La guala, la guala, la guala, la guala. J'ai niqué ma vie pour en faire un bivouac. La police me surveille, c'est même pas inima. La police me surveille, c'est même pas inima. C'était moi qui avais dit, j'avais pas l'âge. Je mettais même mis à bibi dans les parages. Faut sortir du jeu comme Emile Japérez. Y'a que du balcon que le sol intéresse. Il t'a demandé ton ami, toi tu dis oui. Toi qui savais de baiser comme Morandini. Mais peut-être qu'il écoute, c'était courant ici. Depuis que j'ai grandi, y'a plus que des mourants ici. On doit tout rendre ça pour tomber les remords. Je voulais faire pareil, puis t'es mauvais remords. On a fait un skit, le MJ, puis c'est un record. Avant de sauter, ma chère s'accrochait sur le remords. Gaillard, il dépasse pas les souhaits. Il a rien dépassé. En cas de mesure, Bissal a déjà perdu. Lost. Sœur FEM, tu retraces pas la paire.